de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci est certes notre 36e rencontre parmi les rencontres de cette noble série. Et nous avions certes lors de notre dernière rencontre, ayol ikhwa, parler et expliquer et commenter les actions vertueuses qui permettront aux serviteurs d'être sauvés et épargnés et préservés des tourments du jour de la résurrection. Et en particulier, nous avons parlé des catégories de personnes qui seront placées dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Wa bihamdillahi azza wa jal, nous avions terminé nos propos quant à ce sujet. Quant au reste des gens, ayyuha al-ikhwa, et le reste des créatures, et wallah, ils demeureront dans un supplice, et wallah, ils resteront dans des tourments et dans des afflictions, et ils seront plongés dans de la souffrance et dans des douleurs, dans la terre du rassemblement Ardul Mahshar. Et à ce moment-là, ayyuha al-ikhwatul kiram, le mérite et la valeur et la place et l'honneur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra devant les gens. Et se manifestera alors devant toute l'humanité entière. Sa place grandira alors. Et les gens réaliseront alors. Et l'humanité tout entière comprendra et réalisera que Muhammad ibn Abdullah est la plus noble des créatures auprès d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Car nous allons arriver à Yoli Khwa au jour où les gens se dirigeront vers lui afin qu'il intercède en leur faveur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et afin qu'il demande à Allah, son Seigneur Jalla wa Ala, qu'il hâte et qu'il précipite et qu'il avance et qu'il accélère l'arrivée du jugement Al-Hisab, afin qu'il soit épargné et afin qu'il évite toutes ces souffrances et toutes ces douleurs et tous ces tourments, comme il a été cité dans les deux recueils authentiques de l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, celui-ci nous dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un banquet. On lui donna l'épaule d'une brebis. Et c'était certes la partie de l'animal qui lui plaisait. Il en mordit une bouchée. Puis il dit: je serai certes le maître de l'humanité le jour de la résurrection. Savez-vous pourquoi? Allah rassemblera al-awwalin wal-akhirin, les premiers et les derniers, le jour de la résurrection, dans un seul endroit. Ce jour-là, celui qui voit les verra Allah, et celui qui appellera les entendra Allah, et le soleil sera rapproché d'eux. Les gens seront alors plongés dans des tourments et dans des afflictions et dans des soucis et des angoisses telles qu'ils ne pourront plus supporter. Certains diront alors à d'autres: avez-vous vu dans quelle situation vous vous trouvez? Avez-vous vu ce qu'il vous atteint? Et d'autres diront à d'autres: ne pouvez-vous pas trouver une personne qui intercède en notre faveur? Et alors d'autres diront à d'autres: votre père Adam. Les gens partiront alors voir Adam alayhi salam. Et ils diront alors: ya Adam, tu es certes le père de l'humanité. Et Allah t'a créé de son âme, et il t'a créé de ses mains. Allah t'a créé de ses mains et a insufflé de son âme. Et Allah a ordonné aux anges qui se sont prosternés à toi. Et Allah t'a fait habiter dans son paradis. Intercède donc auprès de ton Seigneur en notre faveur. N'as-tu pas vu et ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Et ne vois-tu pas ce qu'il nous atteint? Répondra alors Adam alayhi salam: certes, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant, et il ne se mettra pas en colère par la suite ainsi. Quant à moi, j'ai certes reçu l'interdiction de toucher à l'arbre, mais je lui ai désobéi. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Allez voir quelqu'un d'autre que moi. Allez voir Nuh. Les gens partiront alors voir Nuh, alayhi salam. Et ils diront: ya Nuh, tu es certes le premier des messagers d'Allah à être envoyé aux gens de la terre. Et tu es celui qu'Allah a nommé serviteur fort reconnaissant, Abdan Shakura. Intercède en notre faveur auprès de notre Seigneur. Ne vois-tu pas ce qu'il nous atteint? Ne vois-tu pas dans quelle situation nous nous trouvons? Répondra alors Nuh alayhi salam: certes, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant. et il ne se mettra pas en colère de cette façon ainsi par la suite. Quant à moi, j'avais une invocation exaucée que j'ai utilisée contre mon peuple. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Allez voir quelqu'un d'autre que moi. Allez voir Ibrahim. Les gens partiront alors voir Ibrahim alayhi salam. Et ils diront, ya Ibrahim, tu es certes le messager d'Allah. Et tu es certes l'ami intime et la créature privilégiée d'Allah. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Répondra alors Ibrahim alayhi salam, certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant. Et il ne se mettra pas en colère ainsi par la suite. Quant à moi, j'ai certes commis 3 mensonges. J'ai certes effectué 3 mensonges et ce, lorsqu'il regarda les étoiles au ciel et qu'il dit « je suis malade ». Et lorsqu'il cassa les statues de son peuple et qu'il dit « c'est la plus grande de ces statues qui a commis cela ». Et lorsqu'il dit à sa femme « Sarra, lorsque tu rentreras chez ce tyran, dis que tu es ma sœur et que je suis ton frère ». Ibrahim alayhi salatu wassalam aura certes commis 3 mensonges et aura certes effectué 3 mensonges dans ce bas monde ad-dunya pour élever la religion d'Allah et pour rendre secours à la religion d'Allah et pour faire triompher la religion d'Allah et Azza wa Jal. Quant à moi, j'ai certes effectué 3 mensonges. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Allez voir quelqu'un d'autre que moi. Allez voir Moussa. Les gens partiront alors voir Moussa alayhi salam. Et ils diront, ya Moussa, tu es certes le messager d'Allah. Et tu es certes celui qu'Allah a élu et a choisi de par sa parole et son message. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Répondra alors Moussa alayhi salam, certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Il ne se mettra pas, il ne s'est pas mis en colère auparavant comme cela. Et il ne se mettra pas en colère ainsi par la suite. Quant à moi, j'ai certes tué une âme dont je n'avais pas reçu l'ordre de le faire, lorsqu'il tua le copte. J'ai certes tué une âme dont je n'avais pas reçu l'ordre de le faire. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Issa. Les gens partiront alors voir Issa, alayhi salam. Ils diront alors, ya Issa, tu es certes le messager d'Allah. Et tu es certes la parole qu'Allah envoya à Maryam. Et un souffle de vie venant de lui. Et tu es celui qui s'est adressé aux gens étant bébé au berceau. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Ne vois-tu pas dans la situation dans laquelle nous sommes? Répondra alors Isa alayhi salam. Certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Et il ne s'est certes jamais mis en colère auparavant comme cela. Et il ne se mettra pas en colère ainsi par la suite. Puis il ne cita aucun péché. Et il dit, nafsi, nafsi, nafsi, mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre que moi, allez voir Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens iront voir alors Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils diront alors, ya Rasulallah, tu es certes le dernier des prophètes. Et tu es celui à qui Allah a pardonné tous ses péchés passés et futurs. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. N'as-tu pas vu ce qu'il nous atteint? N'as-tu pas vu la situation dans laquelle nous sommes? Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam dans le hadith dit alors, il se leva alors, puis il dit, ils viendront alors à moi, ils viendront alors à moi, je me dirigerai vers le trône al-Arsh, et je me prosternerai à mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah m'insufflera alors de ses louanges, et m'inspirera alors de ses invocations et de ses meilleurs éloges que nul n'aura connus avant moi. Puis on me dira, ya Muhammad, irfa ra'sak, wasal tu'ta, washfa tushaffa. Ya Muhammad, relève ta tête, demande, on te exaucera, et intercède, ton intercession sera acceptée. Puis il dit, fa'arfa'u ra'si, je lèverai ma tête alors, et je dirai, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ma communauté, mon Seigneur, ma communauté, mon Seigneur. On me dira alors, ya Muhammad, fais rentrer les gens de ta communauté qui n'auront pas de jugement par la porte la plus à droite des portes du paradis. Jusqu'à la fin du hadith. À ce moment précis, ayyuhal ikhwatul kiram, et à ce moment, ayyuhal muslimoun, l'humanité tout entière réalisera, et l'humanité tout entière comprendra et saisira que Muhammad ibn Abdullah est la meilleure créature auprès d'Allah, et est le meilleur des créatures auprès d'Allah Jalla wa Ala. Naam, car tous les gens partiront alors voir les prophètes et les messagers à ce moment, afin de leur demander l'intercession, en commençant par Adam alayhi salam, puis Ulul Azmi min al-Rusul, et les cinq meilleurs des messagers, jusqu'à terminer par le maître des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et tout prophète dira ce jour-là, nafsi, nafsi, mon âme, excepté Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il dira, ana laha, je suis la personne qu'il lui faut, je suis la personne qu'il lui faut, ni'am. Et ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ira intercéder en la faveur de toute l'humanité entière, croyant comme mécréant, afin de leur précipiter et de leur hâter et d'accélérer l'arrivée du jugement Al-Hisab. فهو الذي أرسل رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. C'est lui qui a été envoyé miséricorde au monde entier. Et c'est lui qui est pour les croyants compatissant et miséricordieux. Et c'est lui la miséricorde bien guidée et le bienfait droit. Et ainsi qu'Allah soit satisfait du poète qui nous écrit les vers suivants. Une marque du sceau du prophète visible, clair et de sa prophétie a témoigné. Et le Dieu a rapproché son nom à celui de son prophète. Lorsqu'Al-Mu'addin dit dans les cinq prières, j'ai témoigné. Et il prie de son nom son appellation afin de l'élever. Le possesseur du trône est loué et celui-ci c'est lui le loué. Un prophète qui nous est venu après le désespoir et après les idolâtries sur terre adorées. Il porta une bougie illuminante et guidante, visible comme la luisante épée. Et d'un feu il nous a avertis. Et un paradis il nous a annoncé. Al-Islam il nous a appris. Allah est ainsi loué. Et toi ô Dieu de la création et ô mon créateur. C'est pourquoi j'appelle aux gens à témoigner. Tu es au-dessus de tout. Ceux qui prêchent au-dessus de ta divinité, et tu es plus au-dessus d'eux et encore plus élevé. Tu es le détenteur de la création et de tous les agencements et de tous les bienfaits. C'est donc à toi que nous demandons la guider et c'est toi que nous adorons. Naam ayol ikhwatul kiram, comme nous dit le poète, agharrun alayhi khatamun linnubuwati min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu wa dhamma al-ilahu isma an-nabiyyi ila ismihi. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفطرة نبي أنا أتانا بعد يأس وفطرة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد تعاليت عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. Telle est ainsi la première intercession, ayol ikhwa, d'Al Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité entière, ayol ikhwa, réalisera alors et comprendra alors et saisira alors la valeur et l'honneur et la noblesse d'Al Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi, al-shafa'atul kubra, wa al-shafa'atul uzma, la plus grande des intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car al-habib al-mustafa possède six intercessions. Al-habib al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam possède six intercessions, et nous citerons ces intercessions au fur et à mesure de parcourir les étapes vers la demeure dernière. Et telle est également, ayol ikhwa, maqam al-mahmoud, la position de gloire, qu'Allah Jalla wa Ala a promis à son prophète dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour tes prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Cette position de gloire, ayol ikhwatul kiram, est la position dans laquelle se trouva Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wasalam, dans laquelle il se trouvera afin d'intercéder en la faveur de toute l'humanité entière. Maqam al-Mahmoud. Et c'est ce que nous a dit l'imam Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Tahawiyya, et également ce que nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Aqidat al-Wasatiyya, et également ce que nous dit Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Il nous dit que les interprètes sont unanimes à propos du sens du verset « Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmouda » cette position de gloire, que c'est la position où se tiendra Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin d'intercéder pour tous les gens, afin qu'il les repose et qu'il les soulage et qu'il accélère l'arrivée du jugement Al-Hisab. Et c'est également ce que nous disons dans la dua et dans la vocation que nous disons après Al-Adhan, après l'appel à la prière, comme ceci a été cité dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui dit lorsqu'il entend Al-Adhan, lorsqu'il entend l'appel à la prière, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima, ati muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athu maqama mahmoudan illadhi wa'adda. Celui qui dit cette dua et cette invocation qui signifie, ô Allah, Seigneur de cet appel complet, et ainsi que la prière qui s'apprête à être exécutée, accorde à Muhammad al-wasila, qui est le plus haut degré du paradis, al-wasila wal-fadila, et ressuscite-le en une position de gloire, mon intercession lui sera accordée le jour de la résurrection. Na'am, telle la position de gloire, maqam al-mahmoud, que le prophète alayhi salatu wassalam obtiendra le jour de la résurrection afin d'intercéder en faveur de toute l'humanité entière. Et telle est, en ce qui concerne la grande intercession, al-shafa'atul uzma, li rasulillahi alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi une faveur pour vous, ayyuha al-muslimoun, qu'il vous ait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne porta de soucis et d'inquiétudes et d'angoisse que pour sa communauté. Dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, tout prophète détient une invocation exaucée. Tout prophète détient une invocation exaucée. Tous se sont hâtés de l'utiliser dans ce bas monde. Quant à moi, j'ai laissé la mienne comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Et ainsi elle sera profitable à tout celui qui mourut parmi ma communauté et qui n'associe rien à Allah Jalla wa Ala. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala qu'il nous facilite pour nous cette intercession. Tel est le premier bienfait qui atteindra et qui se manifestera pour Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais les bienfaits envers lui ne s'arrêtent pas là, ayyuha al-ikhwa. Ceci arrivera lorsqu'Al-Habib al-Mustafa se tiendra debout près de son bassin Al-Hawd afin d'abreuver sa communauté de ses propres mains, de les abreuver de cet énorme bassin Al-Hawd. Fama huwa Al-Hawd? Qu'est-ce que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un bassin qui a été accordé au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam le jour de la résurrection. Et ce qui prouve cela, Al-Qur'an wa Sunnah, et l'unanimité des savants et des gens de science. Et les gens de science n'ont pas divergé quant à l'existence et à la présence de ce bassin, et n'ont été pas d'accord avec eux que Al-Khawarij, Al-Shi'a, Al-Mu'tazila, et des gens dont leur divergence n'est pas prise en compte. Et le cas du bassin provient de plusieurs chaînes de transmission qui nous prouvent et qui rendent les hadiths rapportés à ce sujet nombreux et fréquents, et ainsi atteignant le plus haut degré de l'authenticité. Il est ainsi cité dans le Coran et dans la Sunna et par l'unanimité des savants, un bassin Haudun accordé à Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Et les savants n'ont pas divergé quant à sa présence et quant à son existence et quant à sa réalité, mais ils ont divergé qu'au moment où aura lieu l'abreuvage de ce bassin. Certains savants ont affirmé et ont dit que les gens seront abreuvés de ce bassin avant le passage sur le pont As-Sirat. Et d'autres ont dit que cet abreuvage aura lieu après le passage sur le pont As-Sirat. Et des savants ont affirmé également, tel l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, que le prophète alayhi salatu wa salam aura deux bassins. Mais al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit, dans son livre al-Fathul Bari, que ceci n'a pas de preuve, et qu'il n'y a pas de preuve sur le fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait deux bassins. Et ainsi, en rassemblant les textes et les différents hadiths, nous pouvons affirmer et remarquer que le prophète alayhi salatu wassalam n'aura qu'un seul bassin. Et ce bassin, comme Al-Hafid ibn Hajar nous dit, Nous tirons de la parole d'Al-Imam Al-Qurtubi que ce bassin aura lieu et se trouvera avant le pont As-Sirat. Ainsi, ayol ikhwa, la parole la plus probable est que le bassin du prophète alayhi salat wa salam se trouvera avant le pont As-Sirat. Et le prophète alayhi salat wa salam n'a qu'un seul bassin. Et ainsi, lorsque les gens sortiront de leur tombe assoiffés, les croyants se dirigeront alors vers Al-Habib Al-Mustafa et vers ce bassin afin de boire de l'eau de ce bassin. Et Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah nous dit également, si nous rassemblons les différents textes et les différents hadiths, nous tirons et nous comprenons et nous saisissons que le bassin du prophète alayhi salat wa salam se déverse à l'intérieur de ce bassin le fleuve Al-Kawthar. Que le fleuve Al-Kawthar se déverse dans le bassin du prophète alayhi salat wa salam. Fama huwa Al-Kawthar? Qu'est-ce que Al-Kawthar? Al-Kawthar ayyuhal ikhwa est un fleuve du paradis qui aura été accordé au prophète alayhi salat wa salam. C'est un fleuve du paradis qui se déverse dans le bassin du prophète alayhi salat wa salam le jour de la résurrection. Et telle est la parole la plus probable, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les preuves, Al-Imam Ahmed nous rapporte dans son musnad. Un hadith selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu avec une chaîne de transmission authentique. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam, en citant le bassin, nous dit « Et le fleuve de l'Kawthar se déverse dans ce bassin. » Et dans une autre preuve également, dans un hadith rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim selon Abi Dhar, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam, en citant le bassin, nous dit « Deux égouttoirs venant du paradis font couler de l'eau dans ce bassin. » Et il y a encore une preuve plus claire et plus explicite et plus évidente qui nous prouve qu'Al-Kawthar se déverse et s'écoule dans le bassin du prophète alayhi salat wa salam. Ce qui a été rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Celui-ci nous dit un jour, nous étions en présence d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci s'endormit un peu. Puis il se leva en souriant. Et alors nous lui demandâmes, qu'est-ce qui te fait rire ya Rasulallah? Et alors Al-Habib al-Mustafa leur répondit, une sourate vient de m'être révélée. Puis il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Naam. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie, et celui qui te haït sera certes d'aucune postérité. Puis il s'adressa à ses compagnons, à Sahaba, radiallahu anhum, et il leur demanda, savez-vous ce qu'est al-kawthar? Les compagnons lui répondirent, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Et alors Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam répondit, c'est un fleuve que mon Seigneur Jalla wa Ala m'a accordé et m'a promis. Il y a dedans beaucoup de bonnes choses. Et ma communauté boira de ce fleuve au niveau de mon bassin le jour de la résurrection. Ma communauté boira de ce fleuve au niveau de mon bassin le jour de la résurrection. Son eau est plus blanche que le lait. Et ses récipients sont au nombre des étoiles. Et un homme viendra alors et s'approchera de mon bassin, puis il sera repoussé et rejeté. Je dirai alors à mon Seigneur, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, il fait partie de ma communauté. Puis on me dira, certes, Naam, mais il changea ce qui est venu après toi. Mais il changea ce qui est après toi. Naam, ce bassin est ainsi cité dans le Coran et dans la Sunna, et par l'unanimité des savants, et dans les deux recueils authentiques d'Al-Imam Al-Bukhari et l'Imam Muslim. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, entre mon minbar et ma maison se trouve un jardin parmi les jardins du paradis, et mon minbar est au-dessus de mon bassin. Et mon minbar est au-dessus de mon bassin. Les savants ont dit qu'il y a une probabilité que le bassin se trouve en réalité en dessous du minbar du prophète alayhi salat wa salam fil Medina. Mais que c'est une chose invisible appartenant au monde invisible al-ghayb qu'Allah Jalla wa Ala nous a caché. Et il y a également une autre probabilité que le minbar du prophète alayhi salat wa salam se trouvera le jour de la résurrection au-dessus de l'hawd, au-dessus du bassin. Et telles sont des probabilités. Naam. Et c'est pourquoi l'imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala nous dit, nous tirons profit de ce hadith et nous disons que c'est une bonne chose et c'est une exhortation de vivre dans la ville d'Al-Madina. et ainsi de fréquenter la mosquée du prophète alayhi salat wa salam, et d'y invoquer souvent Allah Jalla wa Ala, car celui qui fera cela sera dans un jardin parmi les jardins du paradis et aura l'honneur et le mérite d'être abreuvé par le bassin du prophète alayhi salat wa salam le jour de la résurrection. Naam. Et wallahi ayyul ikhwa, vous serez étonnés si nous vous disons que ce bassin se trouve en ce moment même présent dans le dunya. Il est présent en ce moment même et il a déjà été créé. Regardez la preuve. Al-Imam al-Bukhari nous dit et nous rapporte un hadith selon Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam un jour fit un sermon et dit: et je suis en train de voir mon bassin en ce moment. Et je suis en train d'apercevoir mon bassin en ce moment. Quant aux caractéristiques de ce bassin, ayol ikhwa. Quant aux caractéristiques de cet énorme bassin, alors écoutez, ayol ikhwa tul karam. Ce que rapportent les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: mon bassin à une distance d'un mois de marche. Mon bassin à une distance d'un mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est meilleure que le misc. Et ses récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Et celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif. Ce bassin est ainsi très grand, ayol ikhwa, et très large. Et il est de forme carrée. Sa longueur équivaut à sa largeur. La preuve en est ce qui a été cité dans Marjamat Tabarani, avec une chaîne de transmission Hassanun Sahih, jugée par Sheikh Al-Albani, selon Abi Barzat Al-Islami, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous dit: la distance entre les extrémités de mon bassin est comparable, et également comme la distance entre Al-Yata wa San'a, deux villes. Une distance d'un mois de marche. Une distance d'un mois de marche, sa largeur est égale à sa longueur. Deux égouttoirs venant du paradis couleront de l'eau dans ce bassin. Et les égouttoirs seront faits en argent et en or. Et son eau est plus blanche que le lait, plus froide que la neige. Et ses récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Imaginez-vous, ayol ikhwatul kiram, le bassin d'Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, son eau plus blanche que le lait, plus froide que la neige. Son odeur plus meilleure encore que le misc, et ses récipients tels les étoiles du ciel dans leur nombre et dans leur brillance et dans leur luminescence. Quel mérite, et wallah, celui qui aura le mérite d'être abreuvé de ce bassin, et quelle récompense celui qui aura l'honneur de boire de ce bassin d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais soif, ayol ikhwa, ni le lieu de la résurrection, ni avant As-Sirat et ni après le pont As-Sirat. Mais encore mieux, ayol ikhwatul kiram, l'imam Ahmed nous rapporte un hadith avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Umama radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui boit de mon bassin n'aura plus jamais soif, et son visage ne se noircira plus jamais. Et son visage ne se noircira plus jamais. Na'am ayol ikhwatul kiram, car yawmul qiyama, le jour de la résurrection, est un jour où s'éclaircit des visages et un jour où s'assombriront des visages. Naam, yawma tabyad wujuh wa taswad wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Le jour où seront éclaircis des visages et seront assombris des visages, quant à ceux dont les visages auront été assombris, on leur dira: avez-vous mécru après avoir cru? Goûtez ainsi au châtiment pour avoir mécru. Et quant à ceux dont les visages seront éclaircis, on leur dira: ils seront certes dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Naam, Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit quant à l'interprétation de ce verset: Yawma tabyad wujuhum wa taswad wujuh, le jour où des visages seront éclaircis et des visages seront assombris, les visages d'Ahlus Sunnati wal Jama'a seront éclaircis. Et les visages d'Ahlul Bida, des gens de l'innovation et des gens des sectes égarés seront obscurcis et assombris. Fanas'alullah jalla wa ala, on demande ainsi à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous protège de leur sort. Telles sont les caractéristiques du bassin de Haoud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce ne sont des paroles que pour rapprocher l'apparence de ce bassin, car nous ne pouvons parler de cela que en se tirant et en tirant des faits, des paroles et des propos authentiques d'Al Habib et Mustafa, car ceci fait parler, ceci fait partie des choses du monde invisible Al Ghaib, qu'Allah Jalla wa Ala a caché à ses serviteurs, afin qu'il éprouve ses serviteurs, qui sont les mécréants et qui sont les croyants. Et ainsi, ceci ne peut être tiré que des faits authentiques de celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Alladhi la yantiqu anil hawa, sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal ikhwatul kiram. La communauté musulmane ainsi se précipitera afin de s'abreuver de ce bassin, du bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection. Et les gens les environ alors. Et les gens seront jaloux alors d'eux. Et les autres communautés seront jalouses de la communauté musulmane. Dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit: ma communauté s'abreuvera du bassin. Et je repousserai alors des gens comme repousse le berger un troupeau étranger à son troupeau. Viendront alors boire les musulmans de ce bassin. Puis le prophète alayhi salatu wassalam chassera et repoussera des gens mécréants et d'autres personnes, et je repousserai des gens comme repousse le berger un troupeau étranger à son troupeau. Et alors les compagnons dirent: Ya Rasulallah, et nous reconnaîtras-tu alors? Nous reconnaîtras-tu, Ya Rasulallah? Et il dira alors: oui, car vous aurez certes une caractéristique que n'auront aucune autre personne. Vous aurez certes une caractéristique que n'auront aucune autre personne. Je vous reconnaîtrai aux traces des ablutions. Je vous reconnaîtrai aux traces de vos ablutions, car les musulmans viendront vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et leur visage sera illuminé, et leurs pieds seront illuminés, et leurs mains seront illuminées, de par leur purification à Allah, de par leurs ablutions à Allah, tabaraka wa ta'ala, na'am, et Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, les reconnaîtra ainsi, grâce aux traces qu'ils auront eues, des ablutions qu'ils auront accomplies dans ce bas monde ad-dunya, na'am, et ceci est ainsi un honneur, et une noblesse et une faveur que bénéficie la communauté de Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam. Faqulu li billah ayyuhal ikhwatul kiram, dites-moi par Allah, celui qui aura délaissé la prière, et celui qui aura négligé la prière, et celui qui n'aura pas connu de sa vie les ablutions, et qui n'aura pas connu de sa vie la purification à son Seigneur Jalla wa Ala, est-ce qu'il sera reconnu par Al-Habib? Est-ce qu'il sera reconnu par Rasulullah alayhi salatu wassalam? Est-ce que ses traces seront visibles? Kalla wallahi kalla. Mais il sera chassé, et il sera viré, et il sera repoussé du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable, car il n'aura jamais connu la purification, et il n'aura jamais connu les ablutions à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, son visage s'assombrira, et son cou se déchirera à cause de la soif. Naam, la communauté viendra alors au prophète alayhi salatu wassalam. La communauté viendra à la communauté musulmane, et ils boiront ainsi du haoud, du bassin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et certes, celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif, et son visage sera alors éclairci et ne s'assombrira plus jamais. Naam, il n'aura plus jamais soif. Et qui sont les premières personnes à avoir l'honneur d'être abreuvées de ce bassin? Qui seront les premiers qui se dirigeront vers Al-Habib al-Mustafa et qui boiront du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez, Al-Imam al-Tirmidhi ou Al-Imam ibn Majah nous rapporte un hadith avec une chaîne de transmission authentique, jugée authentique par Cheikh al-Albani selon Thawban, radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: les premiers qui me viendront au niveau du bassin Al-Hawd seront les pauvres parmi Al-Muhajirin. Seront les pauvres parmi Al-Muhajirin, aux cheveux tout poussiéreux et aux habits très usés, ceux qui ne se seront pas mariés avec celles qui auront reçu les bienfaits de ce bas monde, et ceux auxquels n'auront pas été ouvertes les portes du royaume. Fajaza'an wifaqa, rétribution équitable ayol ikhwa, les premiers qui auront l'honneur d'être abreuvés d'al-hawd, du bassin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, seront les pauvres parmi al-muhajirin, aux cheveux poussiéreux et aux habits usés. Telles sont deux caractéristiques qui nous prouvent ainsi et qui nous justifient leur grande pauvreté. Aux cheveux poussiéreux et à leurs habits usés, et ceux qui ne se seront pas mariés avec celles qui auront reçu les bienfaits et les faveurs de ce bas monde, et auxquelles n'auront pas été ouvertes les portes du royaume. Naam, le pauvre dans cette vie et l'accablé dans ce bas monde à dunya sera noble le jour de la résurrection, sera élevé et respecté le jour de la résurrection. Celui qui aura fait cela pour Allah Jalla wa Ala, on lui dira: relève ta tête aujourd'hui. Quant à celui qui aura été orgueilleux, quant à celui qui aura été enorgueilli, tel un pan qui marchait dans ce bas monde à dunya, Allah Jalla wa Ala l'humiliera. Et Allah le rabaissera, et Allah le délaissera, et l'abandonnera. Naam, Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit, dans une autre version, quant au bassin, les premiers à l'atteindre seront les pauvres parmi Al-Muhajirin, ceux qui auront été tués dans le sentier d'Allah et ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Puis lorsque les pauvres parmi Al-Muhajirin auront été abreuvés par ce bassin, viendront alors le tour des musulmans, de tous les musulmans en général, qui viendront alors boire et être abreuvés du bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, sachez, ayyuhal ikhwatul kiram, que le reste des communautés, le croyant parmi eux sera également abreuvé d'un bassin, mais non du bassin du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais du bassin de son prophète. Car tout prophète aura un bassin le jour de la résurrection. Car Allah Jalla wa Ala, de par sa sagesse et de par sa droiture, la yudhi'u ajra al-mu'mini, ne fait pas perdre et abandonner comme cela la récompense des croyants. Et ainsi celui qui aura cru à son prophète, et qui aura cru en son messager, et qui aura unifié Allah Jalla wa Ala, aura le mérite également et la récompense et l'honneur d'être abreuvé et de boire du bassin de son prophète. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Tirmidhi. Ou l'imam Abi Asim, Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, et authentifié, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, selon Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, tout prophète aura un bassin, et se comparera alors, et regardera alors, lequel d'entre eux aura le plus grand nombre de personnes qui s'abreuvera de ce bassin. Puis Al-Habib al-Mustafa nous dit dans ce hadith, et j'espère être celui qui aura le plus de personnes qui s'abreuveront de mon bassin. Et ce sera le cas, bi'idnillah jalla wa ala. Tout prophète aura ainsi un bassin le jour de la résurrection. Celui qui aura cru ainsi en son messager, et qui aura cru en son prophète, et qui aura unifié, et qui aura été monothéiste de la part envers Allah, jalla wa ala. Car il n'y a pas un croyant, ayo al-ikhwa. Il n'y aura pas un croyant qui aura cru en son prophète, sans qu'il aurait cru au prophète, alayhi salatu wa salam. Car tout croyant qui croit au prophète, et à son prophète, et à son messager, croit automatiquement et logiquement à Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Car tout prophète et tout messager a annoncé à sa communauté et à son peuple l'arrivée de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les croyants qui viendront à leur prophète, viendront ainsi à leur prophète, et seront récompensés et auront l'honneur et le mérite de boire de son bassin. Car ils croyaient en leur prophète et au messager d'Allah alayhi salatu wa salam. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين يا الله ne fait pas perdre la récompense des croyants. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى qu'il nous fasse mourir dans la foi juste et authentique et dans l'unicité pure التوحيد لله جل وعلا et qu'il nous donne la récompense et le mérite et l'honneur d'être abreuvé du bassin du prophète عليه الصلاة والسلام. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ensuite, أيها الإخوة الكرام وأيها الأحباب, sachez qu'il y aura beaucoup de catégories de personnes qui seront repoussées et chassées du bassin du Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wal jaza'u min jinsi al-amal. Et certes, la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Il y aura des catégories de personnes, ayyuhal ahbab, qui seront repoussées et qui seront chassées du bassin d'Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi ils ne pourront pas y boire. Qui sont-ils? Al-Imam al-Bukhari. والإمام مسلم نغبرت الحديث سنو سهل بن سعد رضي الله عنه لم يسرد الله صلى الله عليه وسلم نزيك Je vous devancerai au niveau du bassin, puis je vous y attendrai. Et celui qui viendra à moi boira. Et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Puis des communautés de personnes me parviendront alors. Je les reconnaîtrai. Et ils me reconnaîtront. Mais on les empêchera de boire. Et je dirais alors, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, ils font partie de ma communauté. Et alors on me dira, et alors ils seront séparés de moi. Et alors ils seront séparés de moi. Et dans le recueil authentique d'Imam Muslim selon Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous verrai au bassin. Je serai au niveau du bassin vous regardant qui viendra y boire. Et wallah, des hommes seront arrachés à moi. Je dirai alors, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, ils font partie de moi et de ma communauté. Et on me dira alors, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et ils reviendront d'où ils sont arrivés. Naam. Al-Imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, nous dit, en tirant des gens de science, Ahlul Ilm, ceux qui seront chassés du bassin, ceux qui seront repoussés du bassin, sont ceux qui auront été devenus renégats, apostasiés de leur religion. Ceux qui seront sortis de la religion d'Allah Jalla wa Ala. Ceux qui auront donné des règles qu'Allah Jalla wa Ala n'aura pas données. Ceux qui auront donné des règles qu'Allah Jalla wa Ala n'aura ni mentionnées ni légiférées. Comme les groupes égarés, tel al-Khawarij, wal-Shi'a, wal-Mu'tazila, et quel que soit leur groupe. Al-Imam al-Qurtubi nous dit ensuite, ceux qui ne boiront pas du bassin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sont également les tyrans, al-Jabbaroun, et les injustes, al-Zalimoun. Ceux qui auront abaissé Ahl al-Haq, les gens de la vérité, et ceux qui n'auront pas voulu montrer al-Haq, la vérité, et ceux qui auront combattu la vérité, et qui auront commis des injustices envers les gens de la vérité, qui les auront torturés. Naam, jaza'a min wifaqa. Ils seront ainsi chassés, et repoussés, et rejetés du bassin d'Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, car ils auront été devenus renégats, apostasiés de leur religion. Ils seront sortis de leur religion et de la religion d'Allah, et azza wa jal, comme ceux qui se moquent des règles d'Allah, comme ceux qui se moquent des ordres d'Allah, comme ceux qui se moquent des rapprochés d'Allah, et comme ceux qui auront haï ce qu'Allah aura révélé et descendu. Naam, car celui qui a haï ce qu'Allah a révélé comme règle, ou comme législation, ou comme ordre, sera certes devenu renégat, et aura certes été devenu apostasié de sa religion, et sera certes sorti de la religion d'Allah, Jalla wa Ala. Et nous disons cela, ayol ikhwa, afin d'avertir beaucoup de gens, afin d'avertir beaucoup de gens qui malheureusement ont tendance à haïr quelques principes et quelques législations de ce qu'Allah Jalla wa Ala a révélé. Naam, savez-vous ce qu'est devenir renégat, ayol ikhwa? Savez-vous ce qu'est être apostasié de la religion d'Allah? Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ. Quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Pourquoi? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ. Cela car ils auront détesté, ils auront haï ce qu'Allah aura descendu, et ainsi Allah aura rendu leurs œuvres vaines. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَهُوَ يَمُوتُ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion, c'est-à-dire sortiront de leur religion et mourront mécréants, vaines seront leurs actions dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà, et tels sont les gens du feu et ils se demeureront éternellement. Naam, tels ceux qui détestent la prière, tels ceux qui détestent la sunna, tels ceux qui détestent la barbe al-lahya, tels ceux qui détestent le hijab, le voile de la femme, tout cela abjure l'islam. Tout cela abjure l'islam, tout cela déteste l'islam, tout cela déteste le Seigneur d'Allah, le Seigneur tabaraka wa ta'ala, et tout cela déteste le messager d'Al-Islam, et tout cela seront sortis de la religion d'Al-Islam. Naam, ils seront repoussés ainsi, et chassés ainsi, du bassin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Jaza'an wifaqa, une rétribution équitable, car ils se seront moqués de la religion d'Allah, et ils auront rigolé à propos des règles d'Allah, et des ordres d'Allah, et ils ont refusé également la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ceux, par exemple, qui se seront enflés d'orgueil, quant à la sunnah d'Al-Habib al-Mustafa, tout en prétendant aimer Al-Habib. Naam, ils auront ainsi devancé leur passion, et devancer leur plaisir face à l'amour de leur prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi ils sont fiers d'une créature autre que le prophète alayhi salatu wassalam, et ils essayent de ressembler à une créature autre que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ainsi ils refusent Al-Habib, ils refusent la sunna d'Al-Habib, tant apparente que cachée. Tout cela seront chassés, et tout cela seront repoussés du bassin d'Al-Habib al-Mustafa, seront plongés ainsi dans une soif et dans une chaleur, et ils souffriront alors, et seront plongés dans des tourments et dans des afflictions, même s'ils prétendent dans leur vie qu'ils aiment Al-Habib. Car beaucoup de gens prétendent l'amour d'Al-Habib al-Mustafa, beaucoup de gens prétendent l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, mais ayyuhal ikhwatul kiram, أيها المسلمون لامور دو الحبيب et l'amour de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam se doit d'être traduite. Et comment elle est traduite, ayyuhal ikhwa? Elle est traduite par le fait de suivre sa tradition. Et le fait de suivre sa sunna, et de l'aider, et de défendre la sunna, et de la protéger. Et ainsi qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit, aimes-tu les ennemis d'Al-Habib, alors que tu prétends l'aimer? Cela ne se peut pas, puisque tu combats ce qu'il aime avec fermeté. Où est donc son amour, ô toi le frère de l'endiablé? L'amour de quelqu'un se traduit par être en accord avec celui que tu aimes sans diminuer. Si tu prétends l'aimer, alors que tu contredis ce qu'il aime, tu es alors un grand mensonger. Et si tu étais véridique avec Allah sur ce que tu prétendais, tu aurais combattu ceux qui m'écroient. Et tu aurais aidé les gens de la vérité. Tu ne les aurais pas combattus. Ce n'est ainsi. Tu ne les aurais pas combattus. Tu ne les aurais pas combattus ainsi. Et les mécréants, tu n'aurais pas assisté. Tu n'aurais pas aidé. Ce n'est pas tous ceux qui énoncent ce que tu viens de dire qui sont musulmans. Mais il y a des conditions qui doivent être citées. Ne pas faire comme les mécréants à chaque instant, lorsque le texte explicite nous est arrivé, revendique ainsi l'unicité entre ces gens, en prêchant à cela, à faible et à haute tonalité, voici et telle est la pure religion et la guidée, ainsi celle que Ibrahim si tu comprenais. Ainsi celle d'Ibrahim si tu comprenais, telle à la véritable mahabbah, ayyuhal ikhwatul kiram. Le véritable amour du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Mais si on passe son temps à chanter lors de l'anniversaire d'Al-Habib al-Mustafa et lors des grands événements, et si on passe son temps à être plongé dans les innovations de la religion d'Allah et prétendre l'amour du messager d'Allah, et wallah, on est loin de la sunna. Et on sera loin d'Al-Habib le jour de la résurrection. Que l'on s'enorgueillisse et ainsi que l'on ne prenne pas la sunna comme une justice, telle est Nifaq. Et telle est l'hypocrisie, ayol ikhwa. Et ainsi de la chair tombera des visages le jour de la résurrection. De la chair tombera des visages pleins de honte face au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Non, ils ne boiront pas et ils ne seront pas abreuvés et ils seront chassés et repoussés de Haout, du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi ceux qui seront repoussés, ayol ikhwa, du bassin, ahlul bida, les gens de l'innovation. Les gens qui auront prescrit des adorations qu'Allah, jalla wa ala, n'aura jamais fait descendre. Les gens qui auront voulu se rapprocher de leur Seigneur Jalla wa Ala par des adorations qui n'auront jamais été légiférées. Et ainsi ces adorations seront rejetées sur eux. Et certes il a été dit, il est dit que les innovations sont préférées et sont plus aimées auprès de Shaitan que les désobéissances. Les innovations sont préférées auprès de Shaitan, plus préférées que les désobéissances. Pourquoi? Car l'égarement, car l'innovateur, ayol ikhwa, l'innovateur s'égare à cause d'une croyance qui n'est pas fondée, qu'on appelle la shubha. Il s'égare à cause d'une croyance qui n'est pas fondée. Quant aux désobéissants, il s'égare à cause de ses passions et à cause de ses plaisirs. Et ainsi l'égarement à cause des plaisirs et des passions peut revenir à un repentir auprès d'Allah. Car celui qui s'égare à cause des plaisirs et des passions regrette. Et ainsi il peut regretter et revenir vers son Seigneur Jalla wa Ala. Quant à celui qui s'égare à cause d'une croyance et qu'il se fonde sur une croyance qui ne doit pas être fondée comme cela, c'est très difficile pour lui de revenir à Al-Haq et à la vérité. C'est pour ce quoi Al-Shaytan préfère l'innovation à la désobéissance. Na'am ayol ikhwatul kiram, c'est pourquoi les savants ont donné comme comparaison et comme exemple Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a désobéi à son Seigneur à cause de ses plaisirs et ses passions. Et il s'est approché de l'arbre et il a touché l'arbre alors qu'Allah Jalla wa Ala lui en avait interdit. Et Allah Jalla wa Ala a permis qu'il se repentisse. Et a voulu par sa sagesse qu'il se repentisse. Quant à Iblis, la'natullahi alayhi, il a désobéi à son Seigneur à cause d'une croyance qui n'était pas fondée. Et il a désobéi, il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam à cause de son orgueil et d'une croyance non fondée. Et ainsi Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu qu'il se repentisse. Ainsi, telle est la dangerosité, le danger, ayol ikhwa, de l'innovation al-bid'ah. Et ainsi, Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala préfère la personne qui désobéit que la personne qui innove. Et c'est pourquoi nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il nous protège des innovations. Les innovateurs, ayol ikhwa, ceux qui pensent et qui croient et qui sont convaincus que certains actes sont bons auprès d'Allah, alors qu'Allah Jalla wa Ala n'a jamais fait descendre cela, sous aucune science qu'il n'aura fait descendre. Et à propos des adorations, un conseil de notre part, ayol ikhwa, à propos des adorations, nous nous devons de nous arrêter à chaque adoration, jusqu'à ce que l'on obtienne une preuve qui prouve que cela est une adoration légiférée par Allah, Jalla wa Ala, afin que personne n'innove, et que personne ne tombe dans cette ruse de Shaitan, Et ainsi, il invente une nouvelle adoration qu'Allah Jalla wa Ala n'aura pas légiférée. Tout cela, les gens de l'innovation seront repoussés du bassin d'Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, on les attrapera par la droite et par la gauche. Et dans une autre version, lorsqu'on dira au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi, Al-Habib al-Mustafa répondra alors, éloignez ainsi, éloignez ceux qui auront innové après moi. C'est-à-dire au feu et à la perdition, ceux qui auront innové après moi. À celui qui aura modifié, et à celui qui aura ajouté, et à celui qui aura enlevé quelque chose de la religion d'Allah, sur lequel Allah Jalla wa Ala n'aura révélé et descendu aucune science. Et on retire ainsi de cela les gens de science. Les gens de science qui parmi eux effectuent des efforts d'interprétation ijtihad afin d'atteindre le haq, la vérité. Et certains parmi eux peuvent se tromper. Et ils auront une récompense de la part d'Allah Jalla wa Ala. Car ceux-ci sont sincères à Allah Jalla wa Ala. Et ils utilisent et ils s'appuient sur des preuves. Comme ceci a été cité dans des endroits appropriés. Parmi ceux également, ayyuhal ikhwatul kiram, qui seront repoussés et chassés du bassin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et dont leur cou sera déchiré et découpé par la soif. Al-Zalimoun. Al-Zalimoun. Les injustes. Ceux qui auront commis des injustices envers Allah, et envers la religion d'Allah, et envers le livre d'Allah, et envers les serviteurs d'Allah, et envers le messager d'Allah, et tous les messagers. Naam. Comme il a été cité dans le recueil, le Mousnad d'Imam Ahmed. Avec une chaîne de transmission bonne selon Jabir radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Ka'b ibn Ujra radiallahu anhu, qu'Allah te protège de gouverner comme les insolents. Qu'Allah te protège de gouverner comme les insolents. Et alors il lui répondit, Ya Rasulallah, et qu'est-ce que gouverner comme les insolents? Alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, des gouverneurs viendront après moi. Et ils ne me prendront pas comme guide. Et ils n'appliqueront pas ma sunna. Ils ne me prendront pas comme guide. Et ils n'appliqueront pas ma sunna. Ceux-là ne proviendront pas de moi. Et je ne proviendrai pas d'eux. Et ils ne boiront pas de mon bassin. Et ils ne boiront pas de mon bassin. Et il en est de même de ceux qui auront cru à leur mensonge. Et qui auront aidé à leur mensonge. Et qui auront aidé à leur injustice. Ceci est dans le hadith d'Al-Habib al-Mustafa. Puis il nous dit, alayhi salatu wa salam, quant à ceux qui n'auront pas cru à leur mensonge et qui ne les auront pas aidés à leur injustice, ceux-là proviendront de moi et je proviendrai d'eux et ils boiront de mon bassin. Naam. Al-Zalimoun, les injustes et les dirigeants du mal seront repoussés et chassés du bassin d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leurs successeurs et ainsi que ceux qui les auront aidés et leurs partisans. Jaza'an wifaqa. Telle est une rétribution équitable. Ayyuhal ikhwatul kiram. Voilà ce qui concerne Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa shafa'atuhu al-kubra, le bassin du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, tel que sa grande intercession qu'il effectuera en faveur de toute l'humanité entière. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, tenez-vous et accrochez-vous à la sunna d'Al-Habib. Accrochez-vous à la tradition prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Approchez-vous avec vos dents et avec vos molaires, et wallah, et apprenez-la, et enseignez-la à vos enfants, et posez des questions à son sujet, et demandez à Allah, Jalla wa Ala, qu'il nous fasse mourir avec cette sunna. Apprenez la sunna d'Al-Habib, ayyuhal ikhwa, et enseignez-la envers vos enfants, et demandez à son sujet, et ne soyez pas timide et honteux, wallah, afin que vous bénéficiez, et afin que vous méritiez de cet honneur, et de cette faveur, et de cette récompense, d'être abreuvé du bassin du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, le jour de la résurrection, le jour des tourments et le jour des afflictions et le jour des douleurs et des souffrances et de la chaleur et de la sueur. Et wallah, car sinon, et wallah, ce sera le rejet et ce sera le repoussement et les gens seront alors chassés et repoussés. Et wallah sera alors l'avilissement et la honte et la douleur et la souffrance et le rabaissement et l'humiliation. As'alullah jala, as'alullah tabaraka wa ta'ala salamata wal afiyah. فأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن ينجينا من أهوال يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et nous laissons بإذن الله جل وعلا les propos et les paroles et les discours concernant les autres événements de la demeure dernière lors de nos prochains discours. La prochaine semaine, بإذن الله تبارك وتعالى, si Allah nous permet de se rencontrer et d'être encore en vie, إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et par la même occasion, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala